الحواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Donc il reste encore la dernière partie donc du hadith numéro 28. Abu Najih Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu an, il nous raconte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous fit un sermon tel que nos cœurs en frémirent et nos yeux en versèrent des larmes. Nous lui demandâmes alors, ô envoyé d'Allah, serait-ce un sermon d'adieu? Fais-nous donc quelques recommandations. Je vous recommande, dit-il, la crainte d'Allah, qu'il soit exalté et magnifié, et une totale obéissance, même si un esclave devient votre chef. Car celui auquel sera prêtée une longue vie verra de nombreux différents. Aussi tenez-vous fermement à ma sunna et à celle des califes traditionnels bien guidés. Accrochez-vous-y de toutes vos dents et gardez-vous des choses forgées, car toute chose forgée est innovation et toute innovation est égarement et tout égarement conduit au feu. Hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi qui le considère comme Hassan Sahih. Ethan, بدأنا نتحدث الأسبوع الماضي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث الشريف يحذرنا من الوقوع في المحدثات. والمحدثات وكل ما أحدث في الدين. كل ما يفعله الإنسان كل ما يفعله الإنسان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى مما ليس له أصل في الدين هذا يسمى بشيء محدث والنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك فيقول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نستفيد من ذلك أن كل ما أحدث في الدين كل ما أحدث في الدين يعني يطلق عليه اسم البدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن كل بدعة ضلالة. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كل الدالة على العموم. ولا كلمة كل تدل على العموم. فقال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل من ابتدع في الدين فإنه قد ضل وأصبح ضالا. وهذا الضلال سيفضي به عياذا بالله إلى النار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا كل ضلالة في النار. ولهذا الإنسان لا يجوز له أن يتعبد لله سبحانه وتعالى إلا بالأمور التي لها أصل في الدين. إذا فعلت شيئا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون لديك دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن فعلت شيئا ليس له أصل في الدين وأنت ترجو الثواب عند الله سبحانه وتعالى فقد ابتدعت. وإن كانت هذه البدعة يعني محسنة عندك. وهذا يجرنا إلى الكلام عن ما يسمى بالبدعة الحسنة. من الناس من يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة. وكما عمركم سمعتوا هذه؟ ها؟ كان يقول لك بدعة هذه بدعة حسنة. تقول لي بدعة تقول لي هذه ولكن بدعة حسنة. هذا التقسيم معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. فكيف يعني تقسم البدعة بعد ذلك إلى حسنة وإلى سيئة؟ وهؤلاء يستدلون بأحاديث. الحديث الأول هو الذي عند البخاري رحمه الله عن عبد الرحمن بن عبد القاري يقول خرجت مع عمر في وقت خلافته رضي الله عنه في رمضان فمررنا بالمسجد يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأينا الناس يصلون أوزاعا أوزاع متفرقين يعني الشخص كيصلي بوحده أو كيصلي إمام وراءه يعني جوج الناس ثلاثة يعني عشرة فقال عمر رضي الله عنه لو جمعنا الناس خلف إمام واحد لكان ذلك أمثل كن أحسن جمع الناس كاملين خلف إمام واحد لا للتراويح قيام رمضان ف يعني عمد عمر إلى شكون أبي بن كعب الذي هو أقرأ الصحابة بكتاب الله أبي بن كعب رضي الله عنه فكلف أبي رضي الله عنه بإمامة الناس في رمضان ثم من الغد مر عمر بالمسجد خلف إمام واحد أن الناس مجتمعين خلف إمام واحد يركعون مع ركوعه ويسجدون مع سجوده فقال عمر رضي الله عنه نعم البدعة هذه نعم البدعة طيب شنو الجواب ها نعم هي بدعة لغوية فأي كلمة في الدين لها إطلاق لغوي ولها إطلاق شرعي الكلمات اللي كنستعملوها في الدين كالصلاة والصيام والحج هذه الكلمات كانت معروفة عندهم عند العرب الصلاة بمعنى الدعاء الصيام بمعنى الإمساك الحج بمعنى القصد الزكاة بمعنى الطهارة والنمو يعني الكلمات كلها كانت معروفة عندهم ولكن لما جاء الدين يعني زاد لهم يعني شيء آخر زيادة على هذا المعنى اللغوي مثلا الصلاة ضمن الصلاة تجدون الدعاء الصيام إمساك الزكاة كذلك في الطهارة للمال وفي النمو كذلك الحج والقصد تقصد بيت الله سبحانه وتعالى الحرام لأداء المناسك كذلك البدع البدع كانت مفهومة عندهم شنو معنى البدع ما أحدث من غير مثال سابق ما أحدث من غير مثال سابق يسمى بدع ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض يعني أوجد رب العالمين السماوات والأرض من غير مثال سابق فعمر رضي الله عنه يقول نعم البدعة هذه لأن بالنسبة لهم يعني للناس اللي كانوا عايشين مع عمر هي بدعة كثير منهم ما عاش التراويح أما التراويح النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها ولا لا صلاها بضع ليالي يعني ليلتين في رواية وفي رواية أخرى ثلاث ليالي النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح مع أصحابه وما الذي منعه من الاستمرار والمداومة على هذه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بغي يبين لهم أن التراويح ماشي فرض لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني داوم على التراويح وما ترك التراويح ولو مرة واحدة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم لظن الناس أن صلاة التراويح فرض فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لهم أن صلاة التراويح ليست فريضة من فرائض الدين النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الصلاة فلما زال هذا السبب عمر رضي الله عنه رجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا دليل في هذا الحديث هو يعني حاشا عمر أن يقال فيه أنه يبتدع في الدين عمر كان يعني من أشد الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر الأسود وقبله قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فعمر رضي الله عنه كان من أشد الناس تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني الذي يستمسكون به لتقسيم البدع إلى حسنة وسيئة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة من سن في الإسلام سنة سيئة كان له كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لفهم هذا الحديث لا بد من الرجوع إلى سبب ورود الحديث. في بداية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام لسبب. جاءه جماعة من الفقراء وتظهر عليهم الحاجة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما بأمته حث أصحابه بالإنفاق على هؤلاء، ولكن تأخر الناس لم يستجيبوا لحث النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤية في ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم الكراهية والحزن، رؤية في وجهه صلى الله عليه وسلم. حتى دخل رجل بيته فخرج بصرة فيها نقود، فيها ذهب. فلما خرج هذا الرجل بهذا المال تتابع الناس على الإنفاق، الناس اقتدوا بفعل هذا الرجل. عندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فمثلا لو أن شخص تصدق على آخر وبسببه تصدق رجل ثاني وثالث ورابع، يكون هذا الأجر للأول. واش مفهوم؟ هذا ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وكذلك الأسبوع الماضي ذكرنا أن البدع تنقسم إلى بدع في الاعتقاد وهي أخطرها، وبدع قولية وبدع فعلية. اعتقادية هي كثيرة، ومع مرور الأزمان تظهر بدع جديدة منها ومعناش الوقت باش ندخلوا في التفاصيل. مثلا بدعة الرافضة الشيعة مثلا اعتقاداتهم في القرآن وفي الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك بدعة القدرية والجبرية الذين يعتقدون القدرية يعتقدون أنه لا قدر، أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. والجبرية على عكس ذلك يعتقدون أن الإنسان لا مشيئة له، أنه كالريشة في مهب الريح، ما عندكش مشيئة. لا، القرآن دل على الإنسان له مشيئة، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها. فأهل السنة وفقوا لتوسط بين الفرقتين، وكذلك بدعة الخوارج وكذلك المرجئة وهي كثيرة. وبدع قولية مثل في التلفظ بالنية، كما ذكرنا شخص قبل الصلاة يقول: نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات، هذا يسمى ببدعة قولية. وكذلك بعض الأذكار التي ابتدعها بعض الناس مما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. بدع فعلية وهي كثيرة كذلك. لو جاء شخص وصلى صلاة سادسة غير 5، أقول هذه بدعة فعلية. كذلك من أراد أن يصوم شهرا غير رمضان فرضا، نقول هذه بدعة. Donc, il restait donc la dernière partie du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mettait en garde à la fin. Donc, ça fait partie donc du conseil, des recommandations d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il nous dit que celui qui vivra, il verra de grandes divergences. Parmi les choses donc, qui vont le permettre d'être sauvé, le fait de se garder des choses innovées, des choses nouvelles. Car toute chose nouvelle est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement conduit au feu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre cela. Donc une innovation en religion, c'est ce qu'on appelle une chose que la personne fait en ayant l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant une récompense, mais c'est une chose sur laquelle, une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faite, tout simplement. Une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faite. Il n'y a aucune preuve dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est très dangereux, car il nous dit que tout égarement, toute innovation est un égarement, et tout égarement conduit au feu. Donc la personne qui innove est considérée comme égarée. Donc en fonction de son innovation, et cela conduit en enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a généralisé. Il nous dit toute innovation. Il n'a pas fait de distinction entre certaines et d'autres. Et donc cela nous amène donc à un autre sujet qui est donc ce qui différencie, ils font des différences entre les innovations. Ils disent ça c'est une bonne innovation et ça c'est une mauvaise innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit toute innovation, donc de manière générale. Donc il n'a donné aucune, donc il n'a rien donné comme exception. Summa ba'da dhalik, man alladhi yuhassin bada. Hein? Qui c'est qui dit telle innovation elle est bonne et celle-ci elle est mauvaise, hein? On revient à qui dans ce cas-là? C'est possible qu'un tel me dise elle est bonne, moi je lui dis non elle est mauvaise, ou bien moi je dise elle est bonne et lui il me dit non elle est mauvaise. Qui c'est à qui on revient sur ce sujet pour, hein? Là, الناس اللي كيقسموا البدعه الى حسنه الى سيئه الى من نرجع للتحسين و و و الى من نرجع لا ها ce qui divise les innovations en disant cette innovation elle est bonne et celle-ci elle est pas bonne, à quoi ils reviennent? À leur avis personnel, à leur raison, à leur avis personnel. Mais ça ça a pas de fin, parce que ça diffère d'une personne à l'autre. Il y en a un qui peut me dire elle est bonne et moi je lui dis non elle n'est pas bonne, désolé. Et donc, et en plus il se base sur certaines choses, sur certaines preuves tirées du de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en général vous trouverez que les gens de l'innovation qui trouvent des preuves, en général on leur répond avec ces mêmes preuves. Avec les mêmes preuves tu peux leur répondre sans ramener un autre hadith. Il donne comme preuve donc le hadith de Omar radiallahu anhu. Donc Omar, lorsqu'il était calife, il est donc il sort pendant le mois de Ramadan, le soir, la nuit, il s'est rendu à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a vu les gens prier donc de manière divisée. C'est-à-dire la personne a prié seule, ou bien a prié en tant qu'imam, derrière lui il y avait 2-3 personnes, peut-être 10 personnes. Mais bref, il n'y avait pas comme ce que l'on connaît, Taraweh, c'est-à-dire tout le monde prie derrière un seul et même imam. Donc Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si je mettais tous ces gens-là qui sont divisés derrière un seul et même imam, ce serait mieux. Et donc il a choisi Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, pour être l'imam pour At-Tarawih, car le prophète sallam nous avait dit Ubay aqra'u an-nas bi kitabillahi Ubay, celui qui connaît le mieux le Coran c'est Ubay. Le lendemain, après avoir réuni les gens derrière un seul et même imam, donc il a vu le résultat, donc tous les gens étaient donc rassemblés et unis derrière un seul et même imam, et il a dit ni'ma al-bid'atu hadhi, quelle bonne innovation, quelle bonne innovation. Premièrement, est-ce que c'est une innovation? Si on cherche, on trouvera que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié salat al-tarawih de cette manière pendant Ramadan, pendant sa vie sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'a fait ça que quelques nuits, lorsqu'il a vu que les gens étaient trop nombreux et qu'ils étaient assidus à cette prière, il a laissé cette prière afin que les gens ne pensent pas que c'est une prière obligatoire. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais délaissé la prière de Tarawih, les gens auraient pensé que c'est une prière obligatoire, comme il n'a jamais délaissé les 5 prières. Donc, par crainte que les gens ne pensent cela, c'est pour ça qu'il a délaissé Salat Tarawih. Il a prié cela 2 ou 3 nuits, et ensuite, il est décédé et la prière n'était pas priée, salat al-tarawih. Les gens priaient pendant le mois de Ramadan la nuit, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mais ils ne faisaient pas la prière donc derrière un seul et même imam. Donc Omar, il a ramené les gens à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pendant plusieurs nuits. Donc il n'y a aucune innovation en cela. Vu que après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la crainte que les gens pensent que c'est une obligation, elle n'était plus présente. La religion, elle était comprise et les gens avaient bien compris qu'il n'y avait pas d'autre prière que les cinq prières. Donc Omar a ramené les gens derrière un seul et même imam. Donc il n'y a aucune preuve dans cela. Le fait que Omar utilise le mot innovation, c'est une innovation. Il a utilisé le mot innovation dans la langue arabe. C'est pas une innovation religieuse. Car donc tous les mots qu'on utilise, tous les mots que l'on utilise religieusement, comme as-salat, as-sawm, al-hajj, zakat, ils avaient des sens dans la langue arabe avant que l'islam arrive. Ils avaient des sens dans la langue arabe avant que l'islam arrive. As-salat, ça voulait dire ad-du'a, l'invocation. Zakat, ça veut dire la purification ou bien la fructification. Le jeûne, as-sawm, ça voulait dire le fait de s'abstenir, al-imsak. Al-hajj, ça voulait dire le fait de se diriger vers quelque chose. Et lorsque l'islam est arrivé, le sens linguistique, il est resté dans ses adorations, mais avec d'autres choses rajoutées. Par exemple, la prière, il y a des invocations à l'intérieur de la prière, mais donc il y a d'autres mouvements. Pareil pour zakat, ça purifie l'argent, et ça purifie la personne qui donne, et également ça fructifie l'argent. Le jeûne, c'est le fait de s'abstenir, donc de boire et de manger, d'avoir des rapports, donc de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le jeûne, c'est le pèlerinage, le hajj, c'est le fait donc de se diriger vers la Mecque. Bref, c'est tous ces mots-là, ils avaient déjà une signification avant l'islam. Pareil pour le bid'ah, l'innovation. Pour ça, dans le Coran, vous trouverez Badi'u samawati wal ard. Qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli. Donc le prophète nous dit, je ne suis pas un prophète venant avec quelque chose de nouveau. Et donc c'est pareil. Omar, il a utilisé ce mot-là pour nous parler donc de l'innovation dans la langue arabe. C'est-à-dire que à l'époque de Omar, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas assisté à la prière de Tarawih avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour eux, c'est une chose nouvelle. C'est une chose nouvelle, donc c'est pour ça que Omar, il a utilisé ce mot-là. Donc le deuxième hadith qui sur lequel il se base, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: "Man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah." Il nous dit: celui qui fait dans l'islam une bonne sunna, il aura la récompense donc de cela et la récompense de ceux qui le suivront jusqu'à yawm al-qiyamah. Et celui qui fait une mauvaise sunna, il aura donc un péché et le péché des gens qui le suivront ila yawm al-qiyam. Donc ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici là, diviser sunna en bonne et mauvaise. Pour comprendre ce hadith, il faut comprendre pourquoi il faut savoir la cause, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il dit cela. Dans le premier hadith donc, qui est dans le Bukhari, celui-ci il est dans le Muslim. Un jour, il y a donc un groupe de personnes qui sont venues au prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens dans un extrême besoin, très pauvres. En les voyant, la pauvreté était visible sur leur visage et sur leurs vêtements, bref, sur leur allure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme à son habitude, il a incité ses compagnons donc à donner donc fils habilillah pour ces gens-là. Mais malheureusement, les compagnons, ils ne se sont pas précipités pour donner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le chagrin s'est vu sur son visage du fait que ses compagnons n'ont pas donné de l'argent à ces gens-là. Jusqu'à qu'un homme rentre chez lui et ressorte avec une bourse remplie d'argent qu'il a donné donc aux pauvres. Après donc que cette personne ait donné, tous les gens donc sont rentrés chez eux et ont tous ramené quelque chose à donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à qu'ils aient même du mal à porter tout ce qui avait été donné. Et c'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela: celui qui fait une bonne sunna dans l'islam, il aura la récompense et la récompense de celui qui le suit jusqu'à yawm al-qiyam. C'est-à-dire que la première personne qui a donné et grâce à lui les gens ont donné après lui, il aura la récompense de tous ceux qui ont donné après lui. C'est ce qu'a voulu dire le prophète sallam. Également pareil, celui qui commet un péché et les gens suivent son péché, il aura le péché de tous ces gens-là. C'est ce qu'a voulu dire le prophète sallam. Donc, conclusion, toute innovation est un égarement, et tout égarement conduit au feu. Il n'y a pas de bonne innovation dans la religion. Il n'y a pas de bonne innovation dans la religion. ننتقل الحديث الذي بعده. Quand Cheikhouane Badaoul Bilkitab, il y avait des frères qui avaient commencé à écrire ces quelques semaines, ils ont arrêté tout de suite, au bout de deux semaines. حتى الإخوان الذين يكتبون باقي شي حاجة شنو اللي باقي خاصكم ها شكون اللي باقي والكتاب لا هذا هذا لا انت لك تعلق على واحد الحديث ما عندكش النص شحال الثمن اللي في كوميا لو ليفر 5 يورو لو بتي لا 40 نووية سبحان الله الشهر على كل حال il fait 5 euros, vraiment vous aurez les 40 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 40 hadiths nawawi, vous pourrez savoir de quoi on parle. S'il y a un frère qui veut fisabilillah, il va, il achète une vingtaine de livres et il distribue bi'idhnillah. Hadith sunatan hasana. Hadith Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu qala qultu ya rasulallah akhbirni bi'amalin yudkhiluni aljannah wa yuba'iduni 'anil nar. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله فقال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلى حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح le hadith qui suit, le hadith numéro 29, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu raconte: je demandais et je dis, ô envoyé d'Allah, enseigne-moi un acte qui me fasse entrer au paradis et qui m'éloigne du feu. Il répondit: tu demandes là une chose considérable. Elle est cependant aisée pour celui auquel Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendue facile. Tu adores Allah sans rien lui associer, tu accomplis la prière, verses la zakat, jeûne le mois de Ramadan et fais le pèlerinage à la maison d'Allah. Ensuite, il ajouta: ne t'indiquerai-je pas les portes du bien? Le jeûne est préservation. L'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu, et enfin la prière de l'homme faite au milieu de la nuit. Puis il récita donc le verset de Sourate Sajda: ceux dont les flancs s'arrachent à leur couche pour invoquer leur Seigneur par crainte et désir et font l'aumône de ce dont nous les avons pourvus, aucune âme ne peut savoir ce qui leur est réservé comme plaisir de l'œil en récompense de ce qu'ils faisaient. Ensuite, il reprit, sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant: ne t'informerai-je pas de la tête de l'édifice et de sa colonne et du sommet de son dôme? Je répondis: certes, ô envoyé d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: la soumission, dit-il, est l'édifice, la prière sa colonne et la guerre sainte la cime du dôme. Puis il ajouta: ne t'apprendrai-je pas ce qui constitue le maintien de tout cela? Certainement, répondis-je, ô envoyé d'Allah. Alors, saisissant sa langue, il dit: préserve-toi de ceci. Ô prophète d'Allah, repartis-je, serions-nous vraiment punis pour nos paroles? Le prophète dit alors: puisse ta mère te perdre, ô Mu'adh, thakilatka ummuk. Y a-t-il autre chose qui précipite les gens la face dans le feu ou le nuit dans le feu, si ce n'est la récolte de ce qu'ont proféré leur langue? Le hadith est rapporté par Tirmidhi et Hassanun Sahih. Donc c'est un hadith qui est long. Il faudrait donc que les frères aient le livre avec eux pour pouvoir suivre. معاذ بن جبل قد سبق أن تكلمنا عن سيرته ومن فضائله يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن أرسله إلى اليمن لدعوة هؤلاء إلى الإسلام يقول معاذ يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار فهذا يدلنا على اهتمام هذا الصحابي الجليل وحرصه على ما ينفع على ما ينفعه ومر معنا في أحاديث الصحابة رضي الله عنهم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أخبرني أني بعمل يدخلني الجنة يا رسول الله أي الأعمال خير يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر وحسن الخلق إلى غير ذلك فالصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على ما ينفعهم في آخرتهم فقال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت عن عظيم في ذلك دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة الأعمال سبب لدخول الجنة والأدلة على ذلك كثيرة منها حديث الباب ومنها قول الله تبارك وتعالى ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون فحرف الباء في بما يسمى بباء السببية بسبب ما كنتم تعملون وهناك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد الجنة بعمله لن يدخل أحد الجنة بعمله فقال الصحابة رضي الله عنهم ولا أنت يا رسول الله فقال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضل برحمة وفضل كيف نجمع بين الحديث بين يعني النصوص في الآيات التي ذكرناها بما كنتم تعملون الباء باء السببية وفي الحديث الذي ذكرناه وفي الصحيحين لن يدخل أحدنا الجنة بعمله بمعنى باء المعاوضة شو معنى المعاوضة كأن الجنة تساوي أعمالك الجنة تأخذ الجنة عوضا عن أعمالك كما تأخذ مثلا خبزة بدرهم الخبزة تساوي درهم تدفع درهما للبائع ويعطيك خبزة أما الجنة لا تساوي أعمالا الأعمال سبب لدخول الجنة أما هذه الأعمال لا تساوي الجنة لا تساوي الجنة مفهوم الفرق بين النصين فالأعمال سبب لدخول الجنة ولهذا الإنسان يعني المنازل يوم القيامة يعني تكون حسب أعمال العباد فكلما اجتهد الإنسان في هذه الحياة الدنيا كلما تكون درجته في الجنة أعلى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Donc le début du hadith, Mu'adh radiallahu anhu, donc on avait déjà expliqué à plusieurs reprises dans deux hadiths, non, dans un hadith, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit « Ittaqillah haythuma kunt » On avait expliqué donc quelques vertus de ce compagnon. Parmi ces vertus donc, le prophète nous dit que c'est le compagnon qui connaissait le mieux le licite de l'illicite. « A'lamu ummati bil halal wal haram mu'adh » Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a envoyé au Yémen. Pour appeler les gens du Yémen à l'islam. Donc il les a appelés, il l'a envoyé pour les appeler à l'islam, leur apprendre leur religion. Il dit Mu'adh au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, enseigne-moi un acte qui me fasse entrer au paradis et qui m'éloigne du feu. Donc ce qui nous prouve l'intérêt que portaient donc les compagnons radiyallahu anhum à leur religion, et que leur seul but donc ici-bas, c'était donc d'être sauvés de l'enfer et d'entrer au paradis. Donc on a vu plusieurs hadiths à ce sujet où les compagnons radiyallahu anhum, ils viennent au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui disent montre-moi donc le meilleur des actes, ayu l'a'mal afdal, ou bien ils lui disent si je fais telle ou telle chose, est-ce que je rentrerai au paradis. Bref, les compagnons, donc c'était le but de leur vie, donc le fait de pouvoir rentrer au paradis et d'échapper à l'enfer. Et donc il lui dit, montre-moi un acte qui me fasse rentrer au paradis et qui m'éloigne du feu. Donc, ce qui prouve que les actes sont cause d'entrer au paradis et également sont cause d'éloignement du feu. Donc comme dans ce hadith. Et également dans le Coran, vous trouverez de nombreux versets où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun wa tilkumul jannatu allati urithtumuha bima kuntum ta'malun. Entrez au paradis pour ce que vous avez fait. Ou bien voici le paradis que vous avez hérité pour ce que vous avez fait. Et on a un autre hadith dans le Bukhari ou Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit personne ne rentrera au paradis par ses actes. Les compagnons radiyallahu anhum diront alors au prophète, même toi, ô prophète, même toi tu ne rentreras pas au paradis par tes actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, même moi, à moins qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne m'enveloppe par sa miséricorde et sa bonté. Donc comment comprendre, il y a comme une sorte de contradiction entre ces deux textes. Dans le premier, dans les premiers textes, donc comme celui-ci, la lettre ba, bima, c'est ce qu'on appelle al-ba ou sebabiya, c'est-à-dire par cause, entrer au paradis, ou bien on peut dire grâce à vos actes, ou bien à cause de vos actes. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'entrez pas au paradis par vos actes, ils disent que c'est le ba al-mu'awada, comme si nos actes valaient le paradis, c'est-à-dire on donne nos actes et en échange on entre au paradis. Non. Les actes sont cause d'entrer au paradis, mais ils ne valent pas la valeur du paradis. La valeur du paradis, c'est beaucoup plus grand que tout ce que l'on peut faire comme adoration. Donc les actes seront cause, mais ils ne valent en aucun cas le paradis. Et donc yawm al-qiyama, les actes seront cause, donc même d'élévation des gens les uns au-dessus des autres au paradis. Donc, ceux qui auront le plus œuvré dans ce bas monde, c'est ceux qui seront dans les plus hauts degrés au paradis. C'est pour ça que dans de nombreux versets vous trouverez wasari'u wasabiqu. Allah il nous incite à nous concurrencer les uns les autres dans les bonnes œuvres, car toutes ces choses-là on les verra yawm al-qiyama. Allah il dit faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, celui qui fait le bien ne serait-ce le poids d'un atome, il le verra. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم, يعني سؤالك هذا سؤال عن شيء عظيم. لما قال له أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار, قال قد سألت عن عظيم, وفعلا هو شيء عظيم, كما قال الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي. شخص يوم القيامة يستطيع أن يزحزح ويبعد عن النار ويدخل الجنة فقد فاز, هذا أعظم فوز. ولهذا دائما تجد في القرآن ذلك هو الفوز العظيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. قد سألت عن عظيم. وكذلك في سورة الفرقان لما وصف الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن دائما من أدعيته ماذا يقولون؟ الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فالشخص دائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة ويباعده عن النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه وكذلك هناك حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له كيف تقول في صلاتك الآن مثلا بعد التشهد وبعد الصلاة الإبراهيمية وبعد التعاوذ من أربعة أشياء شخص يدعو بما شاء ولا لا في الصلاة ولا كيسكت لا يبدأ يستمر في الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل كيف تقول في صلاتك بماذا تدعو في صلاتك؟ فقال الرجل أسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وأستعيذ به عن النار لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الأدعية لك الدرى أنت النبي صلى الله عليه وسلم أو معاذ أنا ما لا أستطيع أن أفعلها لا أحسن هذه الأدعية ولكن أش كنقول اللهم أعطيني الجنة وبعدني عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. هذا الشيء كنقوله كامل يدور حول دخول الجنة والنجاة من النار. فمن سأل الله سبحانه وتعالى الجنة وسأل النجاة من النار فقد جمع ما يدور حوله جميع الأدعية. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ensuite dit, lorsqu'il lui a demandé donc cette question, enseigne-moi, ou bien lorsqu'il lui a demandé donc de lui enseigner un acte qui le fasse entrer au paradis et qui l'éloigne du feu, le prophète lui a alors dit, tu as demandé là une chose considérable. Donc, tu demandes une grande chose. Et en effet, donc c'est une grande chose, le fait donc, yawm al-qiyama, d'entrer au paradis et d'être éloigné du feu. Vous trouverez dans le Coran que Allah nous parle de cela en nous disant, ذَلِكَ هُوَا الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Ça c'est la victoire, la grande victoire. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Celui qui sera écarté du feu et entrera au paradis, il aura alors gagné et obtenu donc le succès. Donc il faut que le musulman, ce soit son but dans la vie, donc d'entrer au paradis et d'être éloigné de l'enfer. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a dit à un homme, qu'est-ce que tu demandes pendant ta prière? Il lui a dit, qu'est-ce que tu demandes pendant ta prière? Car donc la personne, à différents moments de sa prière, peut faire des invocations. Parmi les endroits où la personne peut faire des invocations, après, donc à la dernière, juste avant salam, donc on a tashahhud, ensuite on a salat al-ibrahimiyya, ensuite la personne demande protection contre quatre choses. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wa al-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Donc quatre choses la personne. Et ensuite, jusqu'au salam, la personne elle peut invoquer de ce qu'elle veut. D'accord? Le prophète a dit à un homme, qu'est-ce que tu demandes pendant ta prière? L'homme lui a dit, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis et je lui demande d'être sauvé de l'enfer. Je n'arrive pas à faire les mêmes invocations que toi et Mu'adh. Car donc Mu'adh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient des invocations très longues et les compagnons ils entendaient ce qu'ils disaient. Donc il y avait, quand la personne a fait des invocations parfois et on entend un son mais on ne comprend pas très bien ce qu'elle dit, mais on sait qu'elle dit beaucoup de choses. C'est ça le mot dandana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le rassurer il lui a dit, ne t'inquiète pas, toutes nos invocations que l'on fait, ça tourne autour de ça. Le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis et de demander d'être sauvé de l'enfer. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. هذا الأمر الذي سألت عنه, هذا الأمر العظيم, إنه يسير, ولكن ليس بيسير لكل أحد, لمن يسره الله تبارك وتعالى عليه. فجميع الأمور إذا صارت ميسرة فالميسر هو رب العالمين وحده لا شريك له. ولهذا دائما الإنسان عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير في الأمور. ومن أسباب التيسير تقوى الله سبحانه وتعالى, ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فمن أراد أن ييسر الله سبحانه وتعالى دخول الجنة عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني ويسر الهدى لي, اللهم اهدني ويسر الهدى لي. وتجدون أن موسى عليه السلام لما أرسله الله سبحانه وتعالى قال اذهب إلى فرعون إنه طغى, ماذا قال؟ قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. طلب من الله سبحانه وتعالى التيسير. فالإنسان عليه أن يطلب من الله سبحانه وتعالى التيسير في أمور كلها, وأعظم الأمور دخول الجنة والنجاة من النار. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite à Mu'adh, tu as demandé donc une chose considérable, mais cette chose est cependant aisée, facile, pour celui auquel Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendue facile. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui facilite les choses. C'est lui seul qui facilite les choses. Et donc il faut que le musulman, donc, il reconnaisse cela. Toute chose facile qui nous arrive dans notre vie, toute chose qui est rendue facile, c'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et parmi les invocations que le musulman doit faire, le fait de demander toujours à Allah de lui faciliter les choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses invocations, il disait Allahumma hdini wa yassir al-hudali, c'est-à-dire guide-moi et facilite-moi la guider. Guide-moi et facilite-moi la guider. Et également parmi les choses qui amènent vers la facilité, la crainte d'Allah. Le fait donc d'être obéissant, ça rend la vie les épreuves de la vie deviennent faciles. Mais chacun possède des exemples personnels où Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité les choses. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Celui qui craint Allah, Allah il lui rendra les choses faciles. Et dans sourate al-Layl, fa amma man a'ta wa attaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Celui qui donne et craint Allah et donc reconnaît comme véridique l'husna, c'est-à-dire l'islam, kalimat al-tawhid, fasanuyassiruhu lil yusra. Nous lui rendrons donc son chemin facile. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui rend les choses faciles. Moussa alayhi salam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé vers Pharaon pour l'appeler donc à l'islam, Moussa, la première chose qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de l'aider. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. C'est-à-dire shrah li sadri, c'est-à-dire comment on va traduire ça, hein? Bref, il a demandé donc de lui ouvrir la poitrine, sa poitrine, et de donc lui faciliter la chose, cette tâche. Donc il faut toujours que le musulman donc demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter donc toutes les choses qu'il entreprend. Et la plus grande chose donc que le musulman entreprend, c'est le fait de vouloir entrer au paradis et d'être sauvé de l'enfer. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مبينا لأسباب هذا التيسير قال له تعبد الله لا تشرك به شيئا. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يعدد اسباب التيسير لدخول الجنه والنجاه من النار. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم بعباده الله وحده لا شريك له. وفي روايه لهذا الحديث تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. إذن قدم النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وما يضاده الذي هو الشرك. يعني مرة معنا أكثر من مرة أن التوحيد هو أصل الدين وأنه يعني معنى لا إله إلا الله وعبادة الله وحده لا شريك له أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له وأن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق. ثم قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قد تحدثنا عن هذه الأمور في الحديث الذي قال الرجل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صليت الصلاة المكتوبة وإني أعطيت الزكاة أدخل الجنة؟ قال نعم. فلا حاجة لإعادة ذلك هنا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام الخمسة: الشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج. ومر معنا أن من أتى بالواجبات فإنه يدخل الجنة، من أتى بالواجبات وترك المحرمات يدخل الجنة. حديث رقم 23. لما جاء رجل فقال له الحديث 22 أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. فالذي يكتفي بما فرضه الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة. وبماذا يسمى ذاك الذي المقتصد؟ ويسمى بالمقتصد الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات، يسمى بالمقتصد. كذلك هو من أصحاب اليمين والأبرار. Donc ensuite le prophète sallam a commencé donc à donner à Mu'adh les causes qui donc rendent l'entrée au paradis facile et donc également le fait d'être sauvé de l'enfer. Il lui a dit: tu adores Allah sans rien lui associer, tu accomplis la prière, verse la zakat, jeûne le mois de Ramadan et fais le pèlerinage à la maison d'Allah. Donc le prophète sallam donc a cité donc ici les cinq piliers de l'islam, donc les obligations. Donc on avait cité cela à plusieurs reprises, donc pour gagner du temps on ne va pas le répéter. Et donc celui qui accomplit les cinq piliers de l'islam sans rien y ajouter, par exemple la personne elle ne fait que les obligations religieuses et délaisse tous les interdits, elle rentrera au paradis. Car donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme lui est venu et lui a dit: que dis-tu si j'accomplis les prières, jeûne le mois de Ramadan, respecte ce qui est licite, interdit ce qui est licite et n'ajoutant rien à cela, entrerai-je au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit oui, et le hadith donc il est dans Sahih Muslim. Et donc on avait vu, même vendredi, on avait vu que celui qui accomplit les obligations et délaisse les interdictions, ce qu'on appelle al-muqtasid, celui qui ne fait ni chose surérogatoire et il peut accomplir certaines choses déconseillées, pas interdites, ce qu'on appelle al-muqtasid, et donc il rentrera au paradis. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير. الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر بعد الفرائض النوافل، فقال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الصوم جنة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقصد النافلة. علاش؟ لأنه ذكر رمضان قبل، ف فالآن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصد الصيام النافلة، فقال الصوم جنة. شنو معنى جنة؟ وقاية. جنة بمعنى وقاية، فالصوم يقي الصائم من الوقوع في المحرمات، فالصائم أن يحاول ما أمكن أن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى أثناء صيامه، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن يعني غايات الصيام أن يحصل الإنسان على التقوى بصيامه، وهذا الصيام يقي الصائم من الوقوع في المحرمات في هذه الحياة الدنيا، وبالتالي يقي الصائم من النار يوم القيامة، يقي الصائم من النار يوم القيامة. وهذه اللفظة الصوم جنة ثابتة في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث قدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا صوم، فإنه لي وأنا أجزي به. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الصوم جنة، فالصوم وقاية من المعاصي ووقاية من نار جهنم. ثم قال: الصدقة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. كذلك من أسباب تيسير دخول الجنة والنجاة من النار الصدقة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قصد بصدقته هنا صدقة التطوع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ذكر الزكاة. قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فمن كان قد ارتكب بعض الآثام وبعض الذنوب وأراد من الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن هذه الذنوب فعليه بصدقة. شخص مثلا عسى الله سبحانه وتعالى، عليه أن يتصدق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والنصوص في فضل الصدقة كثيرة جدا، منها ما هو في كتاب الله ومنها وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الآيات قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة في كل في كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي السنة من وفي السنة يعني منها حديث الباب: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. فمن الناس من يعتقد أنه إذا تصدق ماله ينقص بسبب هذه الصدقة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc après avoir cité donc les 5 piliers de l'islam, il dit ensuite à Mu'adh radiallahu an: ne t'indiquerai-je pas les portes du bien, le jeûne et préservation. Donc il va commencer à lui parler donc des adorations surérogatoires. Des adorations surérogatoires. Donc en plus des adorations obligatoires. Wa nawafil muhimma fi ghayat al-ahammiyah. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن يقول بالنسبة للصلاة أن الله عز وجل يوم القيامة يقول لملائكته وهو أعلم: انظروا إلى صلاة عبدي أتامة أم ناقصة؟ فإن كانت تامة كتبت تمة ولله الحمد، وإن كانت ناقصة يقول الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع نافلة، فتؤخذ النوافل فتجبر بها الفرائض، مفهوم؟ فمثلا النقص الحاصل في الصلوات تجبره النوافل، النقص الحاصل في مثلا الصيام يجبره صيام التطوع، النقص الحاصل مثلا في الحج يجبره حج التطوع. فعلى المسلم دائما أن يحاول أن يكون لديه زيادة عبادة على ما فرضه الله سبحانه وتعالى، لأن معظمنا لا يأتي بالفرائض على الوجه الأكمل، ولا لا؟ على الوجه الأكمل. قلنا أن الذي أتى بالفرائض المقتصد، قلنا المقتصد هو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات، ولكن الإتيان بالواجبات يكون يعني على أكمل وجه. مثلا شخص يصلي وليس لديه خشوع، هل أتى بالصلاة كما ينبغي؟ لا. والخشوع يعني وقلب ولب الصلاة، والإنسان عليه أن يكون لديه من نوافل العبادات. وحديث أبي هريرة ويكون ومن أحاديث الكتاب حديث قدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. الشاهد: ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل من أسباب جلب محبة الله جل وعلا. Donc les adorations surérogatoires sont très très importantes. Donc le musulman, il faut en plus qu'il essaye, en plus de faire les adorations obligatoires comme les piliers de l'islam, essayer donc d'avoir des adorations surérogatoires. Comme par exemple les prières surérogatoires, le jeûne surérogatoire, donner fi sabilillah autre que la zakat, le pèlerinage surérogatoire, etc. Car donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit en parlant de la prière que yawm al-qiyama Allah subhanahu wa ta'ala dira aux anges: regardez la prière de mon serviteur, est-ce qu'elle est complète ou incomplète? Si elle est complète, elle sera inscrite comme complète, walillah alhamd. Et si elle est incomplète, Allah dira alors aux anges: regardez si mon serviteur possède des prières surérogatoires. Et donc les prières surérogatoires viendront compléter le manque qui était dans les prières obligatoires. Et donc pareil pour sadaqa, pareil pour al-hajj, pareil pour le jeûne. Donc le musulman, il doit faire son possible pour avoir des adorations surérogatoires. Parmi les choses qui incitent à faire cela, hadith Abi Huraira, donc qui est dans ce livre, c'est parmi les derniers hadiths, hadith Qudsi, Abu Huraira radiallahu an, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: celui qui montre de l'hostilité envers un de mes rapprochés, le wali, je lui déclare la guerre, mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose de plus agréable à mes yeux que l'accomplissement de ce que je lui ai prescrit, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires au point que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis son ouïe par lequel il entend, son regard par lequel il voit, sa main par laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. Et s'il me demande assurément, je l'exaucerai. Et s'il cherche près de moi asile, assurément, je le lui donnerai. Donc ça fait partie des causes qui emmènent l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le serviteur, le fait d'avoir des adorations surérogatoires. Donc il lui a dit, la première chose, il lui a dit: As-somu junna. Le jeûne est préservation. Donc le jeûne, c'est une protection. Le jeûne, c'est une protection. Le jeûne, c'est une protection ici-bas. Pendant le jeûne, le musulman, il essaye donc de s'éloigner le plus possible des péchés. Donc ça, c'est une chose que l'on remarque. Les gens qui jeûnent pendant le Ramadan ou bien en dehors du mois de Ramadan, ils essayent de passer leur journée de jeûne de la meilleure des manières. Les choses qu'ils accomplissaient de manière générale pendant les autres jours, pendant le mois de Ramadan ou bien pendant qu'ils jeûnent, ils essayent de le délaisser. Car ils savent que ces choses sont des choses qui diminuent la récompense du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man lam yada » قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui ne laisse pas le mensonge et l'application du mensonge et l'ignorance, Allah subhanahu wa ta'ala se passe du fait qu'il délaisse la nourriture et la boisson. Car le but du jeûne, c'est le fait d'obtenir la piété. Allah dit à la fin du verset du jeûne en sourate al-Baqara, لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Donc on vous a imposé le jeûne ainsi qu'aux gens qui vous ont précédé afin que vous atteigniez la piété. Donc le jeûne, c'est une protection contre les péchés ici-bas et une protection يوم القيامة contre le feu de l'enfer. Le prophète dit ensuite وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارِ. Et l'aumône, sadaqa, éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il veut dire autre chose que la zakat. Alors la zakat, il l'a déjà cité au début du hadith. Donc ici, il veut parler donc de tous les dons que la personne peut faire en dehors de la zakat. Parmi les bienfaits, sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite l'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Donc parmi les bienfaits donc de l'aumône, le fait de faire une sadaqa, ça efface les péchés comme l'eau éteint le feu. Donc l'eau éteint le feu et ne laisse plus rien du feu. Donc ainsi est l'aumône, elle ne laisse aucune trace au péché. Donc les texte en ce qui concerne les bienfaits et les vertus de faire des dons, ils sont très nombreux. Parmi ces textes, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. Celui qui donne dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala est comparable à celui à comparable à un grain. Un grain, dans chaque grain il y aurait 7 épis. Et dans chaque épi de ces 7 il y aurait 100 grains. La personne qui donne, Inch'Allah, alors elle sera récompensée, et là, c'est 700 d'ayf. Elle sera récompensée donc 700 fois, bi'iznillah et tabaraka wa ta'ala. Wa afdalu sadaqa, sadaqatu as-sir. Afdalu sadaqa, sadaqatu as-sir. Un chakhs yatasaddaq, wa la ya'lamu bihi ahad. Wa la ya'lamu bihi ahad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, in tubidu sadaqat, fa ni'immahi. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. صدقة السر أفضل من صدقات العلانية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فأفضل الصدقات صدقة السر. Donc également, le meilleur des dons, des aumônes, c'est le fait de donner en secret. Le fait de donner en secret, la personne, elle donne aux nécessiteux et personne ne l'a vu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, parmi donc ceux qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, yawm al-qiyama, une personne qui aura donné une aumône en secret, d'une manière discrète, sans que même sa main gauche ne sache ce qu'a donné sa main droite. Montrer que personne ne sait. Kadhalika kana al-Ali, kana Ali ibn al-Hussein. Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Walladhi yusamma bi Zain al-Abidin. Kana fi al-Madina wa kana al-fuqara idha asbahu يجدون أمام بيوتهم كيسا في الخبز دائما فقراء يجدون يعني الصباح واحد الميكا في الخبز قدام دارهم وما كيعرفوش منين جات. فلما توفي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يعني انقطعت الهيبة ففهموا أن عليا رضي رحمه الله والذي كان يتصدق أن عليهم في الليل كان يخرج في الليل ويتصدق على هؤلاء يمر على بيوتهم فلما يصبحون يجدون هذا الخبز أمام بيوتهم. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب كما نقول زين العابدين à Médine, qu'est-ce qu'il faisait la nuit? Il prenait avec lui un grand sac de pain qu'il distribuait aux maisons des gens dans le besoin. Le lendemain matin, tous les pauvres y trouvaient du pain devant leur maison, sans qu'ils sachent d'où ça venait. Et lorsque donc Ali ibn al-Hussein est décédé, donc ils ne trouvaient plus cela, et donc ils ont compris que c'était lui qui donnait ça pendant la nuit. Bref, pendant la nuit, il donnait afin que personne ne sache d'où cela venait. Donc la meilleure des sadaqas, c'est sadaqatu sir. Sallallahu ta'ala wa fiqani wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.